Je peux rêver dans ce monde triste. Dans le vent, oublier le temps, changer de discours, chanter l'amour, chanter la pluie, c'est une mélodie avec le jour. Loin des discours. Chanter la pluie, chanter la vie. Chanter l'amour comme un troubadour, c'est la nostalgie. J'ai oublié la pluie. Je peux rêver dans ce monde tristouné.